bout du vieil homme qui s'en va. Dans tous nos mensonges peut-être, regardez bien, vous verrez qu'il est là. Parfois caché derrière des évidences, parfois pour justifier nos violences. Trop souvent on meurt de son absence. Ouvrez les yeux et voyez qu'il est là. Partout, partout, l'amour est partout dans nos vies. Partout, partout, là-bas comme ici, l'amour est partout dans nos vies. Quand il dit qu'il ne t'aime plus, quand même l'espoir a disparu, au fond tout n'est que malentendu. Écoute encore, il est toujours là. Et quand les mots viennent à manquer, d'un regard il sait nous faire parler. On passe nos vies à le chercher. Ouvrez les yeux et voyez qu'il est là. Partout, partout, l'amour est partout dans nos vies. Partout, partout, là-bas comme ici, l'amour est partout.